Listen very carefully, everybody. Écoutez très attentivement, chacun. Wherever you are. Où que vous soyez. Make sure that if you can record this. Soyez sûr que si vous pouvez enregistrer ceci. I want to share on something very important. Je veux partager sur quelque chose de très important. Today I want to talk about something so critical in your life. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très critique dans vos vies. I want to talk about this dispensation. J'aimerais parler à propos de cette dispensation. The dispensation of open heaven. La dispensation des cieux ouverts. The dispensation that the Lord promised. La dispensation que le Seigneur a promise. When our Lord Jesus left. Quand notre Seigneur Jésus a quitté. This is what he said. C'est ce qu'il a dit. The book of Acts. Le livre des Actes. Chapter 1. Chapitre 1. He said this. Il dit ceci. Verse 4. Le verset 4. The book of Acts, chapter 1, verse 4. Le livre des Actes, chapitre 1, verset 4. I want to talk about the dispensation of open heaven. Je vais parler à propos de la dispensation des cieux ouverts. Why are people with HIV/AIDS now being healed? Pourquoi des gens qui ont le sida, HIV, sont guéris? Why are many blind eyes open? Pourquoi est-ce que beaucoup d'yeux aveugles sont ouverts? Why are many deaf hearing now? Pourquoi est-ce que beaucoup de sourds entendent maintenant? And many other afflictions healed? Et beaucoup d'autres afflictions guéries? Why are the cancers disappearing from the people's bodies? Pourquoi est-ce que les cancers disparaissent des corps des gens? Acts chapter 1. Actes chapitre 1. Verse 4. Verset 4. On one occasion. En une occasion. While he was eating with them. Alors qu'il était en train de manger avec eux. He gave them this command. Il leur a donné ce commandement. Do not leave Jerusalem. Ne quittez pas Jérusalem. But wait for the gift my father promised. Mais attendez le don que mon Père a promis, which you have heard me speak about, dont vous m'avez entendu parler. For John baptized with water, parce que Jean a baptisé d'eau, but in a few days, mais dans quelques jours, you will be baptized by the Holy Spirit. Vous allez être baptisé du Saint-Esprit, but in a few days, mais dans quelques jours, you will be baptized with the Holy Spirit. Vous allez être baptisé avec le Saint-Esprit. And he said, et il a dit, so when they met together, alors quand ils étaient ensemble, they asked him, ils lui ont demandé, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Seigneur, est-ce que c'est en ce moment que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Verse 7, he said, au verset 7, il a dit, it is not for you to know the times or the dates the Father has set by his own authority. Ça n'est pas à vous de savoir la date ou le moment que le Père a fixé par sa propre autorité. But you will receive power. Mais vous allez recevoir un pouvoir. When the Holy Spirit comes on you. Quand le Saint-Esprit va arriver sur vous. And you will be my witnesses in Jerusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. And in all Judea. Et dans toute la Judée. And Samaria. Et la Samarie. And unto the ends of the earth. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. This was the promise at Pentecost. C'était la promesse à Pentecôte. It's a double tire promise. C'est une promesse à deux éléments. The Lord knew. Le Seigneur savait. That the human flesh. Que la chair humaine. The human being. L'être humain. The flesh. La chair. Had its inherent weaknesses. Avait sa méchanceté inhérente. And that Jesus is righteous. Et que Jésus est droit. Very holy. Très saint. Very righteous. Très juste. And so. Et alors. If you were going to be witnesses unto the Lord. Si vous allez être des témoins du Seigneur. Then you needed help. Alors vous avez besoin d'aide. You need a power. Vous avez besoin d'un pouvoir. But now you may be witness unto the righteousness of God. Que maintenant vous pouvez être un témoin de la justice de Dieu. The gospel that Jesus left. L'évangile que Jésus a laissé. After he died on the cross, quand il est mort à la croix, and then he resurrected, et ensuite qu'il est ressuscité, he gave us a gospel. Il nous a donné un évangile. That gospel, cet évangile, is the gospel of the blood, c'est l'évangile du sang, and the cross, et de la croix. It is the gospel of repentance, c'est l'évangile de la repentance, the gospel of the kingdom of God, l'évangile du royaume de Dieu. How possible? Comment est-ce que c'est possible? You who live on the earth, vous qui vivez sur la terre, with the flesh, avec la chair, which is weak, qui est faible, the sinful desires of the flesh, les désirs pécheurs de la chair, overloaded on your flesh, surchargés dans votre chair. How possible then? Alors, comment est-ce que c'est possible that you can stand up, que vous puissiez tenir and be witness unto the Lord, et être des témoins du Seigneur. And that's why he said, et c'est pourquoi il a dit, do not leave Jerusalem, ne quittez pas Jérusalem until you have received, jusqu'à ce que vous ayez reçu the power of God, le pouvoir de Dieu from on high, d'en haut to help you, pour vous aider, so you can be witnesses, ainsi vous pouvez témoigner, not only in Jerusalem, pas seulement à Jérusalem, but also to Judea, mais aussi en Judée, Samaria, en Samarie, even unto the ends of the earth, et même jusqu'aux extrémités de la terre, that you may be witnesses unto the Lord, que vous pouvez témoigner du Seigneur. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. This is where I want to begin tonight. C'est là que je désire commencer ce soir. That means, ça signifie, that in your Christian walk, que dans votre marche chrétienne, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, is absolutely central, est absolument central. And when I speak about, et quand je parle à propos, the dispensation of open heaven, de la dispensation du ciel ouvert, I am talking about the outflow, je parle à propos du flux, outpour, du déversement, that the Lord promised would come to the church, que le Seigneur a promis de venir sur l'Église. Step by step, pas à pas, you see that when the Holy Ghost came on them, vous voyez que quand le Saint-Esprit est venu sur eux, then in the book of Acts, chapter 2, alors, dans le livre des Actes, chapitre 2, I want to walk there with you very carefully, je veux marcher là avec vous très prudemment. When the Holy Spirit came upon them, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, let us just read one or two then. Lisons juste un ou deux ensuite. He says, il dit, verse 1, Acts, chapter 2, le verset 1 de Actes, chapitre 2, when the day of Pentecost came, quand le jour de Pentecôte est arrivé, they were all together in one place. Ils étaient ensemble dans un endroit. Suddenly a sound like the blowing of violent wind. Soudain, un bruit comme un vent violent. I don't know how you read your Bible. Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible. But for me, the word violent would have caught my attention. Mais pour moi, le mot violent attirerait mon attention. Blowing like violent wind, soufflant comme un vent violent, with massive force, avec une force massive, like coming to destroy, violent wind, un vent violent comme venant pour détruire. Look at what the violent wind did. Regardez ce que ce vent violent a fait. And it says, et il dit, blowing of a wind, violent wind came from heaven, un vent violent est venu du ciel, and filled the whole house, et a rempli toute la maison, where they were sitting, où ils étaient assis. They saw what seemed to be like tongues of fire, ils ont vu ce qui avait l'air de langues de feu, that separated and came to rest on each of them, qui étaient séparés et qui sont venus sur chacun d'eux. All of them were filled with the Holy Spirit. Tous étaient remplis du Saint-Esprit. And began to speak in other tongues. Et ont commencé à parler d'autres langues. As the Holy Spirit enabled them. If I were you, I would underline enable. Comme le Saint-Esprit les rendait capables de s'exprimer. Si j'étais vous, je soulignerais les rendait capables. And he says, et il dit, now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under the heaven. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. When they heard this sound, quand ils entendirent ce bruit, I like that, when they heard this sound, j'entends ça, quand ils entendent ce bruit, alléluia, alléluia, when they heard this sound, a crowd came together in bewilderment. Quand ils entendirent ce bruit, la multitude accourut et elle fut abasourdie. If I were you, si j'étais vous, this sound I would mark, ce bruit, je le marquerai. And bewilderment I would mark. Et l'abasourdissement, je le marquerai. And he's talking about, et il parle à propos, the impact of the Holy Spirit in the church, de l'impact du Saint-Esprit dans l'Église. And he's saying, et il dit, like violent wind, he came. Comme un vent violent, il est venu. Which means to distort, qui signifie pour déformer, to destroy, pour détruire, to reshuffle, pour remanier, deconstruct, pour démolir, to change, pour changer, violent wind, un vent violent, and then they began to speak, et ensuite ils ont commencé à parler in other tongues, dans d'autres langues. But when the people who were living in Jerusalem, mais quand les gens qui vivaient à Jérusalem, I want you to see the present day church as I speak. J'aimerais que vous voyiez l'église présente quand je parle. But when the people heard, mais quand les gens ont entendu the sound, le bruit, they came out, ils sont approchés in bewilderment, dans l'abasourdissement, which means that the Lord promised, ce qui signifie que ce que Dieu a promis, that there would be a visitation, c'est qu'il va y avoir une visitation. Even the non-Christian, même les non-chrétiens, they would know, ils vont savoir, that there has been a visitation, qu'il y a eu ici une visitation. Listen to me. Écoutez-moi. In bewilderment, dans l'abasourdissement. I know, I don't want to jump ahead of me, je sais, je ne veux pas sauter au-dessus de moi. But now, mais maintenant, we are also seeing the second visitation. Nous avons aussi vu la seconde visitation. And in this visitation, et dans cette visitation, you see now the Holy Spirit is healing his precious people. Vous voyez maintenant que le Saint-Esprit guérit ces gens précieux. Massive deliverance. Il y a des délivrances massives. But I want you to understand one thing. Mais je désire que vous compreniez une chose. That when the Lord's Holy Spirit visits, que quand le Saint-Esprit du Seigneur visite, when the Lord visits the church, quand le Seigneur visite l'Église, even the non-Christians, même les non-chrétiens, are able to see, look, look, they have been visited, sont capables de voir, regardez, ils ont été visités, and they gathered, et ils se rassemblent, and they came to them, et ils sont venus à eux, and they listened, et ils ont écouté, they were shocked, ils étaient choqués. They were hearing them speaking in their own languages. Ils les entendaient parler dans leur propre langue. Arabic. Les Arabes. Whichever language. Quelle que soit la langue. They were speaking in their own tongue. Ils parlaient dans leur propre langue. That is amazing to me today. Ça m'étonne aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. We are experiencing another visitation. On est en train d'expérimenter une autre visitation. And very soon you will see, et très vite, vous allez voir, that this visitation, que cette visitation, is supposed to be the mightiest, est supposée être la plus grande. Listen to this. Écoutez ceci. Now the Holy Spirit is visiting, maintenant, le Saint-Esprit est en train de visiter, visiting the church. Il est en train de visiter l'Église. That's why we can have these miracles that happened during the time of Jesus. C'est pourquoi nous pouvons avoir ces miracles qui sont arrivés du temps de Jésus. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The Holy Spirit comes. Le Saint-Esprit vient. Then they speak in tongues as they were being enabled. Et alors ils parlent en langue comme on les a rendus capables. Not as they faked. Non pas comme s'ils truquaient. Not as they copied another person and also spoke. Non pas qu'ils ont copié une autre personne et qu'ils ont aussi parlé. As they were being enabled. Comme ils en ont été rendus capables. And when they spoke, et quand ils ont parlé, the other nations understood. Les autres nations ont compris. Today, aujourd'hui, now that the Holy Spirit is visiting, maintenant, le Saint-Esprit est en train de visiter. When you talk, quand vous parlez in the language of the Spirit, dans le langage de l'Esprit, do they hear you? Est-ce qu'ils vous entendent? Do the other nations hear you? Est-ce que les autres nations vous entendent? That's why I wanted you to see today's church in this. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous voyiez l'église d'aujourd'hui en ceci. Joel chapter 2. Joel chapitre 2. Alléluia. Alléluia. We bless the Lord. Nous bénissons le Seigneur. Verse 28. Le verset 28. Joel chapter 2, he says. Joel chapitre 2, il dit. Joel 2, 28. Joel 2, 28. Afterward. Après cela. Afterward in the Bible means in those days. Après cela, dans la Bible, ça signifie dans ces jours. They were meaning the days proximate to the coming of the Messiah. Ils étaient en train de penser que ça signifie les jours proches de la venue du Messie. And he says, et il dit, afterward, I'll pour out my spirit on all people. Après cela, je vais répandre mon esprit sur tout peuple. And your sons and daughters will prophesy. Et vos filles prophétiseront. Your old men will dream dreams. Vos vieillards auront des songes. Your young women will see visions. Vos jeunes gens des visions. Even on my servants, both men and women. Même sur vos serviteurs, les hommes et les femmes. I'll pour out my spirit in those days. Je déverserai mon esprit dans ces jours. Look at this. Regardez à ceci. The Lord has spoken with me about the coming of the Messiah. Le Seigneur m'a parlé à propos de la venue du Messie. And when the Lord spoke to me about the coming of the Messiah, et quand le Seigneur m'a parlé à propos de la venue du Messie, I want to share a very important conversation. J'aimerais partager une conversation très importante. A very important conversation. Une conversation très importante. Listen to this conversation. Écoutez cette conversation. On the 19th of August, le 19 août 2008, in the vision of night, dans une vision de la nuit, the Lord lifted me up, le Seigneur m'a élevé and he took me before his throne. Et il m'a amené devant son trône. And when I stood there in that vision, et quand je me suis tenu dans cette vision, I saw the glory cover the throne of God. J'ai vu la gloire couvrir le trône de Dieu. And the Lord made me know, et le Seigneur m'a fait savoir that he that sits on the throne, que celui qui est assis sur le trône was seated on the throne. Était assis sur le trône. That was clear. I knew he was there. Ça c'était clair, je savais qu'il était là. And the glory was like a mountain. Et la gloire était comme une montagne. And then listen to this. Et ensuite, écoutez ça. After a short while, après un court moment, then came from the throne of God. Alors est venu du trône de Dieu. Let me just summarize it. Laissez-moi juste le résumer. One of the four living creatures around the throne of God Almighty. Une des quatre créatures vivantes autour du Dieu Tout-Puissant. And he came towards me. Et il est venu vers moi. And it was a most fearful moment to behold. Et c'était une très grande peur qui est venue. But now, later, I understood. Mais maintenant, plus tard, j'ai compris why the Lord made him come so close. Pourquoi le Seigneur l'a fait venir si près. Even now, as I talk to you, I replay it. It's replaying in my eyes. Même maintenant, quand je vous parle, je réponds. Il y a une réponse dans mes yeux. When he came so close to me, quand il est venu si près de moi, I later understood. J'ai compris plus tard that the Lord God Almighty, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, he wanted me to be able to identify him. Il voulait que je sois capable de l'identifier. To know what number he is. Pour que je sache quel est son numéro. That when I go back to the Bible, que lorsque je retourne à la Bible, then I will have the message for the church. Alors j'aurai le message pour l'église. Then I will understand the message. Alors je comprendrai le message. But look at this now. Mais regardez à ceci maintenant. When he came, he went back to the glory at the throne. Quand il est venu, il est retourné à la gloire du trône. And then within a moment, et ensuite, dans un moment, from the throne of God, du trône de Dieu, he released the black horse, black. Il a relâché le cheval noir. And the black horse was released. Et le cheval noir était relâché. Listen very carefully to this. You cannot get it anywhere in any place. Écoutez très attentivement ceci. Vous ne pouvez l'avoir nulle part ailleurs, à nul endroit. When the black horse came, quand le cheval noir est venu, I saw him running around heaven, je l'ai vu courir autour du ciel. And then he came towards me. Et ensuite, il est venu vers moi. Let me share with you the secrets of God in heaven. Laissez-moi partager avec vous les secrets de Dieu dans les cieux. When he came towards me, quand il est venu vers moi, then I realized a unique part of his countenance. Une part de son apparence. That he has glorious name. Que il a une crinière glorieuse. He is very black. Il est très noir. But he has white hair, mane from here to here. Il a, mais il a des crins blancs, une crinière qui va de là à là. And it is as though. Et c'est comme si. He was sent to come near me to show me that mane. Il était envoyé vers moi pour me montrer cette crinière. Because when he came close to me. Parce que quand il est venu près de moi. Look at this. Regardez ça. Then he stretched out the white mane. Alors, il a étalé cette crinière blanche. And stretched it back on himself. Et il l'a retiré de nouveau sur lui. Then I saw him running all over the earth. Et je l'ai vu courir tout autour de la terre. With his rider. Avec son cavalier. 19th of August, le 19 août 2008. And then on the 23rd of August. Ensuite, le 23 août, 24th of August, le 24 août, we had a mighty revival meeting in Nakuru. Nous avions le puissant rassemblement de réveil à Nakuru. More than 2 million people. Plus de 2 millions de gens. And I came and stood at the altar. Et je suis venu et je me suis tenu debout sur l'autel. And I said, listen to me, the nations of the earth. Et j'ai dit, écoutez-moi, nations de la terre. And I said, listen to me, heaven. Et j'ai dit, écoutez-moi, les cieux. I have seen the release of the black horse. J'ai vu la libération du cheval noir. And I say, et j'ai dit, behold, now there will be global economic crisis. Voici, maintenant, il va y avoir une crise économique globale. And I said there will be also global famine. Et j'ai dit qu'il va y avoir aussi une famine globale. And then, et ensuite, after just 2 months, après juste 2 mois, in October, en octobre, we were in Toronto doing a big revival meeting in Canada. Nous étions à Toronto donnant un grand rassemblement de réveil au Canada. And I was preaching about it. Et j'étais en train de prêcher à propos de cela. The coming of a global economic crisis. La venue de la crise économique globale. And you know, when we are out there, et vous savez que quand vous êtes à l'extérieur, I am always fasting, je suis toujours en train de jeûner for that nation, pour cette nation, for they are sick, because I do healing services there, pour les malades, parce que je fais un service de guérison là-bas, that the Lord may heal them, pour que le Seigneur puisse les guérir. And there's a lot of healings on that side also. Et il y a aussi beaucoup de guérisons dans ce côté. People are walking, HIV is healed and they are stunned. Des gens sont en train de marcher, des HIV sont guéris et ils se tiennent debout. So, I don't watch TV. Alors, je ne regarde pas la télévision. When I was preaching, quand j'étais en train de prêcher, preaching, en train de prêcher, I said, I've seen the black horse. J'ai dit que j'ai vu le cheval noir. Global economic crisis is coming. Qu'une crise économique globale est en train de venir. Then one day one pastor came to me. Et un jour, un pasteur est venu vers moi. And he said, et il a dit, Men of God, homme de Dieu, have you watched your news? Avez-vous regardé les nouvelles? Today, aujourd'hui, what you were saying yesterday, ce que vous avez dit hier, last week, la semaine dernière, today, aujourd'hui, all the global financial markets crashed. Le marché financier tout entier s'est écroulé. That prophecy was fulfilled immediately. Cette prophétie a été accomplie immédiatement. Until today. Jusqu'à aujourd'hui. It's a big problem globally. C'est un grand problème globalement. People lost their home. Des gens perdent leur maison. They could not afford mortgage. Ils ne peuvent pas faire face aux hypothèques. Unemployment is high. Le manque d'emploi est grand. Even Africa was affected. Même l'Afrique a été affectée. But listen. Mais écoutez. The message is this. Le message est ceci. In the same scripture. Dans le même texte. Revelation chapter 6. Apocalypse chapitre 6. Regarding the release of the black horse. Concernant le relâchement du cheval noir. Same scripture. Le même texte. I just want to touch on the most important for this open heaven. Je désire juste toucher le plus important pour ce ciel ouvert. In Revelation chapter 6, I have taught it over and over again. Dans l'Apocalypse chapitre 6, j'ai enseigné toujours et encore. Regarding the dispensation we are in. Concernant la dispensation dans laquelle nous sommes. But let me summarize. Mais laissez-moi résumer. It deals with the Lamb of God. Il traite de l'agneau de Dieu. And his authority to open the seals of the scroll of God. Et son autorité pour ouvrir les sceaux du rouleau de Dieu. And you see, there is the opening of the first seal. Et vous voyez, il s'agit de l'ouverture du premier sceau. And then the white horse is released. Et ensuite, le cheval blanc est relâché. The opening of the second seal. L'ouverture du second sceau. Red horse is released. Le cheval rouge est relâché. Opening of the third seal. En ouvrant le troisième sceau. And then the black horse is released. Et ensuite, le cheval noir est relâché. Listen, and then the fourth seal. Et ensuite, le quatrième sceau. And the pale horse is released. Le cheval verdâtre est relâché. They are called. Ils sont appelés. The four apocalyptic horsemen. Les quatre cavaliers apocalyptiques. And I have taught that. Et j'ai enseigné ceci. But today I want to focus on something important on the Spirit of the Lord. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur quelque chose d'important à propos de l'Esprit du Seigneur. Revelation 6, verses 5 and 6. Apocalypse 6, versets 5 et 6. Alléluia. Alléluia. When the Lamb opened the third seal, quand l'agneau a ouvert le troisième sceau, I heard the third living creature say, j'ai entendu la troisième créature vivante dire, come, viens. I looked and there before me was a black horse. J'ai regardé et là devant moi était le cheval noir. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Son cavalier tenait une balance à plateau dans sa main. Do you now understand? Est-ce que maintenant vous comprenez? Why I say global economic crisis? Pourquoi je dis la crise économique globale? Because parce que the rider of the black horse, le cavalier du cheval noir, the rider of the black horse, le cavalier du cheval noir, he is riding a black horse. Il est monté sur un cheval noir. He is riding a black horse. Il est monté sur un cheval noir. And he is carrying a pair of scales in his hand. Et il porte une balance à plateau dans sa main. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? A balance. Une balance. That means buying and selling. Ça signifie acheter et vendre. Now you see how the Lord speaks. Maintenant vous voyez comment le Seigneur parle. Buying and selling. Acheter et vendre. In the hands of the rider of the black horse. Dans la main du cavalier du cheval noir. Then later on he says. Ensuite, plus tard, il dit. To the rider of the black horse. Au cavalier du cheval noir. A quart of wheat for a day's wages. Un quart de farine pour le salaire d'un jour. That means inflation. Ça signifie l'inflation. Because a quart of wheat. Parce que une mesure de farine is enough wheat for one person for one day. Est assez de farine pour une personne pendant un jour. In the Jewish definition of a quart. Dans la définition juive de la mesure. And because barley is less nutritional than wheat. Parce que l'orge est moins nourrissant que la farine. He said, il a dit. And 3 quarts of barley for a day's wages. Et 3 mesures d'orge pour le salaire d'un jour. That's why I announced. C'est pourquoi je l'ai annoncé. That there is an economic crisis coming to the globe. Qu'il y a une crise économique venant sur le globe. Listen now to the message. Écoutez maintenant le message. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. Later he said, plus tard, il a dit, listen the precious children of the Lord. Écoutez les enfants précieux du Seigneur. He later said, il a dit plus tard, hey, hey, but if you find, mais si tu trouves, oil and wine, de l'huile et du vin, don't destroy it. Ne les détruis pas. In that scripture. Dans ce texte. Let me explain to you. Laissez-moi vous expliquer. He was talking about this dispensation. Il parlait à propos de cette dispensation. The oil and the wine. L'huile et le vin. The oil stands for the anointing of the Holy Spirit. L'huile représente l'onction du Saint-Esprit. And it's amazing. Et c'est étonnant that the Lord was decreeing a tremendous famine. Que le Seigneur soit en train de décrire une famine très grande. He was decreeing an horrible lack of food, hunger. Un horrible manque de nourriture, la faim. But at the same time, mais dans le même temps, he was also decreeing plenty. Il décrétait aussi l'abondance. Listen to this very carefully. Écoutez ceci très attentivement. During the dispensation of famine, pendant la dispensation de la famine that the Lord announced, que le Seigneur annonce, he is now talking of oil and wine. Il parle maintenant de l'huile et du vin. I have taught you, je vous ai enseigné, that when the Lord took me to live in Israel for 7 years, quand le Seigneur m'a amené à vivre en Israël pour 7 ans, I saw, j'ai vu the affluence, l'affluence, the affluence, l'affluence, cheese, du fromage dipped in oil, trempé dans de l'huile, and I used to see them, et je les ai vus, they serve cheese on the plate. Ils servent le fromage dans des plats. And it comes with olive oil. Et ça vient avec l'huile d'olive. And they take pita bread. Pita is the name in Israel. Et ils prennent du pain pita. Pita, c'est le nom en Israël. And they take it when it's hot. They touch the cheese. Et ils le prennent quand c'est chaud et ils touchent le fromage. And they scoop some oil and they eat. Et ça s'imbibe d'huile et ils mangent. And that was a symbol of affluence. Et c'était un symbole de richesse. While the others are barely making it with bread. Pendant que les autres le font à peine avec du pain. Others are eating cheese with olive oil. Les autres mangent du fromage avec de l'huile d'olive. And special wine from special vineyards. Et du vin spécial de vignobles spéciaux. So number one. Alors, numéro 1, the oil and the wine. L'huile et le vin. That the Lord was clamoring to the rider of the black horse. Que le Seigneur réclamait au cavalier du cheval noir. Hey! Hey! I know that I have given you authority. Je sais que je t'ai donné de l'autorité. To destroy the economies of the earth. De détruire l'économie de la terre. That they may know that the Messiah is coming. Pour qu'ils puissent savoir que le Messie vient. To come and shake the nation. Pour venir et secouer les nations. To catch their attention. Pour attirer leur attention. But hey, mais hey, if you see oil and wine, si tu vois de l'huile et du vin, protect it. Protège-les. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? Listen to this. Écoutez ceci. Very carefully. Très attentivement. We have seen that the oil of the wine represents plenty. Nous avons vu que l'huile et le vin représentent la richesse. And one quart of wheat for a day's wages. Et une mesure de farine pour le salaire d'un jour represents famine. Représente la famine. Scarcity. La sécheresse. It represents deficiency. Ça représente la déficience. And then in the spiritual realm. Maintenant et ensuite dans le domaine spirituel. In the physical realm. Dans le domaine physique. We see the global economic crisis until today. Nous voyons la crise économique globale jusqu'à aujourd'hui. But in the spiritual realm. Que dans le domaine spirituel. He was talking about the end revival. Il était en train de parler du réveil de la fin. And he was saying. Et il disait. That the end time revival. Que le réveil de la fin des temps. Will be a revival of oil and wine. Va être un réveil de l'huile et du vin. Where oil is the power of the anointing of the Holy Spirit. Là où l'huile est le pouvoir de l'onction du Saint-Esprit. The flow of the anointing of the Holy Spirit. Le flot de l'onction du Saint-Esprit. He was talking about the revival of this hour. Il était en train de parler du réveil de cette heure. The dispensation of the open heaven. La dispensation du ciel ouvert. And he said, et il a dit, it will be a Holy Ghost revival. Ça va être un réveil du Saint-Esprit. Because he said, parce qu'il a dit, don't leave Jerusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Until you have received power. Jusqu'à que vous ayez reçu le pouvoir. From on high. D'en haut. So when you go now. Alors quand vous allez maintenant. You go in power. Vous allez avec le pouvoir. And you become witnesses. Et vous devenez des témoins. True witnesses. De véritables témoins. Listen to this. Écoutez ceci. I want to mention one important thing. J'aimerais mentionner une chose importante. In the book of Acts. Si le livre des Actes. Chapter 2. Chapitre 2. When the Holy Ghost appeared. Quand le Saint-Esprit est apparu. The Holy Ghost of the Lord. Le Saint-Esprit du Seigneur. The Holy Ghost of Jesus. Le Saint-Esprit de Jésus. The Holy Ghost of the Father. Le Saint-Esprit du Père. In the book of Acts chapter 2. Dans le livre des Actes chapitre 2. When the people went to hear, what is this sound? Quand les gens sont venus voir, qu'est-ce que c'est ce bruit? They were talking in many tongues. Ils étaient en train de parler en plusieurs langues. But listen to the key. Écoutez la clé. They made a comment. Ils ont fait ceci en commun. They said, ils ont dit, these people are drunk. Ces gens sont ivres. They are drunk. Ils sont ivres. Because they were talking. Parce qu'ils parlaient. In the Holy Ghost power. Avec le pouvoir du Saint-Esprit. So they appear drunk. Alors ils apparaissaient ivres. Listen to this. Écoutez ceci. Their drunkenness. L'ivresse. Was obvious. Était évidente. Alléluia. Alléluia. Until Peter came up and stood at a place. Jusque Pierre vienne et se mette à quelque part. Without microphone. Sans microphone. I'm shocked. J'ai été choqué. That when Peter stood at a place. Que lorsque Pierre était debout à cette place. Without this technology. Sans cette technologie. And he spoke. Et il a parlé. His voice was so powerful. Sa voix était si puissante. That 3,000 people received the Lord. Que 3,000 personnes ont reçu le Seigneur. Without microphone. Sans microphone. That is the power I am talking about. Ça, c'est le pouvoir dont je suis en train de parler. But listen to this. Mais écoutez ceci. Today. Aujourd'hui. Now that there is open heaven. Maintenant que le ciel est ouvert. Now that there is another outpour of the Holy Spirit. Maintenant, il y a un autre déversement du Saint-Esprit. Is the church drunk? Est-ce que l'Église est ivre? Is the church drunk enough? Est-ce que l'Église est assez ivre? for the outside people, pour que les gens du dehors, to obviously see, voient d'une manière évidente, that hey, look, those people are drunk, que hey, regardez, ces gens sont ivres. And it's just 9 o'clock in the morning. Et c'est seulement 9h du matin. Are you drunk enough? Êtes-vous assez ivre? For the people out. Pour que les gens du dehors. To be able to recognize, look, they are drunk. Soient capables de reconnaître. Regarde, ils sont ivres. Unfortunately. Infortunément. The church today is not spiritually drunk. L'église aujourd'hui n'est pas ivre spirituellement. She's very sober. Elle est très sobre. And yet some of the acts. Et maintenant, quelques œuvres. I like the way they put it in other countries. J'aime la manière dont ils le mettent dans d'autres contrées. Like in the US. Comme aux USA. They say, ils disent, he was driving under the influence. Il était en train de conduire sous influence. D-U-I. En train de conduire sous influence. Les lettres. Driving under the influence. Conduisant sous influence. That means, ça signifie, you are not yourself. Vous n'êtes pas vous-même. You are not you. Vous n'êtes pas vous. You have been influenced. Vous avez été influencé. That means, ça signifie, there are some things. Il y a quelque chose that the Lord wants the church to do today. Que le Seigneur aimerait que l'Église fasse aujourd'hui. But it requires, mais ça requiert, operating, fonctionnant, under the influence, sous influence. You didn't get me. Vous ne m'avez pas compris. For example, par exemple, to stop a Muslim, d'arrêter un musulman, and ask him, et lui demander, excuse me, excusez-moi, I see you are suffering, je vous ai vu souffrir, from a lot of disease, de plusieurs maladies, and pain, et des peines, I see your family suffer, et j'ai vu votre famille souffrir, can you look there, pouvez-vous voir là, and see what is happening in the crusades, et voir ce qui se passe dans la croisade. The cripples are walking. Les infirmes marchent. The deaf can hear. Les sourds peuvent entendre. The blind can see. Les aveugles peuvent voir. HIV is healed. Le sida est guéri. Precious people. Précieux peuple. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. And ask him. Et demandez-lui. How about Jesus of Nazareth? Qu'en est-il de Jésus de Nazareth? The Lord demands a church that has charisma. Le Seigneur demande que l'Église ait des charismes. That has courage. Qu'elle ait du courage. And that can only come under the influence. Et ça peut venir seulement sous influence. And that's why. Et c'est pourquoi. They saw. Ils ont vu. You just begin to speak Arabic very loud. Vous commencez juste de parler arabe très fort. The language they spoke. Le langage qu'il parlait. Look. Regardez. He says. Il dit. Then how is it that each of us hears them in his own native language? Comment est-ce possible que chacun d'entre nous les entende dans son propre langage? Parthians. Parthes. Medes. Mèdes. And Elamites. Elamites. The residents of Mesopotamia. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Judea and Cappadocia. La Judée et la Cappadoce. Pontus and Asia. Le Pont et l'Asie. Phrygia. La Phrygie. Pamphylia. La Pamphylie. Egypt and the parts of Libya near Cyrene. L'Égypte et le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Visitors near Rome, et ceux qui sont venus de Rome, both Jews and converts to Judaism, juifs et convertis au judaïsme, Cretans and Arabs, crétois et arabes, we hear them declaring the wonders of God in our own language. Nous les entendons déclarer les merveilles de Dieu dans notre propre langue. They were talking. il parlait and declaring the wonders of God. Et déclarait les merveilles de Dieu. Today, aujourd'hui, is the church drunk enough? Est-ce que l'église est assez ivre? I'm sorry, she is sober. Je m'excuse, elle est sobre. That's why she is full of public opinion. Excuse me. C'est pourquoi elle est pleine d'opinion publique. Excusez-moi. Excuse me. Elle dit, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Public opinion. Des opinions publiques. And yet the people are perishing. Et maintenant, le peuple est en train de périr. There are many people in drugs in the streets. Il y a beaucoup de gens dans la drogue, dans la rue. When you operate under the influence, quand vous fonctionnez sous influence, you just get up and walk to the back streets. Vous vous levez juste et vous marchez dans les ruelles. And you start giving them anything you have. Et vous commencez à leur donner tout ce que vous avez. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. If the church is going to live in this dispensation, si l'église est en train de vivre dans cette dispensation of open heaven, du ciel ouvert, and speak in the powers of the tongue, et parle dans le pouvoir de la langue of the Holy Spirit, du Saint-Esprit, then she has to declare the wonders of God. Alors elle a à déclarer les merveilles de Dieu. Then she will be audible enough for all the languages. Alors elle va être assez compréhensible pour toutes les langues. Precious people, précieux peuple, let us be drunk in the Holy Spirit. Soyons ivres du Saint-Esprit. Let us be a people that are drunk in the Holy Spirit. Soyons un peuple qui est ivre du Saint-Esprit. That the Lord may have his way. Pour que le Seigneur puisse avoir son chemin across the nation. À travers les nations. I'm reading one of the last scriptures. Je lis une des dernières écritures. Isaiah 32. Ésaïe 32. Turn with me there. Tournez avec moi ici. Isaiah 32. Ésaïe 32. Verses 15 to 17. Verset 15 à 17. We are learning about the importance of the Holy Spirit. Nous apprenons à propos de l'importance du Saint-Esprit. The centrality of the Holy Spirit. La centralité du Saint-Esprit. At this hour. À cette heure. Isaiah 32, 15 to 17. Ésaïe 32, 15 à 17. Till the Spirit is poured upon us. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous. From on high. D'en haut. And the desert becomes a fertile field. Et que le désert se change en verger. And the fertile field seems like a forest. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Justice will dwell in the desert. La justice aura sa demeure dans le désert. And righteousness live in the fertile field. Et la droiture habitera dans le verger. Do you see what the Holy Spirit is meant to bring? Et vous voyez ce que le Saint-Esprit supposé apporter? He is meant to bring justice. Il est censé apporter la justice. And righteousness to the revival church. Et la droiture à l'église du renouveau. He says when he will pour his spirit, il dit, quand il déversera son esprit, there will be justice. Il y aura de la justice. And righteousness. Et de la droiture. Justice in the dry desert. La justice dans le désert sec. And yet among the revival saints. Et parmi les saints réveillés, there will be righteousness. Il y aura de la droiture. The righteousness of the Lord. La droiture du Seigneur. The dry field. Le champ sec. The quart of wheat for a day's wages. La mesure de farine pour le salaire d'un jour. The fertile ground. Le verger. Revival. Le renouveau. Plenty. Pleinement. Open heaven, les cieux ouverts, oil and wine, l'huile et le vin, but righteousness. Mais la droiture. That means today the church ought to be walking in righteousness. Ça signifie que aujourd'hui l'église doit être en train de marcher dans la droiture. At this hour, à cette heure, righteousness, la droiture. And he says, et il dit, he says, precious people, il dit, précieux peuple. The fruit of righteousness will be peace. Le fruit de la justice sera la paix. Why would the fruit of righteousness be peace? Pourquoi est-ce que le fruit de la justice sera la paix? Because righteousness will bring reconciliation with God. Parce que la justice, la droiture, va amener la réconciliation avec Dieu. And then now you can have peace. Alors maintenant, vous pouvez avoir la paix. Because you have been reconciled with the Lord. Parce que vous allez être réconcilié avec le Seigneur. Bwana mwenyewe anasema ya kwamba. Le Seigneur lui-même le dit. Nyakati hizi. Cette dispensation. Ambazo sasa tunaona bingu yamepunguka. Alors que nous voyons le ciel ouvert. Viwete wanatembea kwa jina la Yesu. Les infirmes marchent au nom de Jésus. Viziwi wanasikia. Les sourds entendent. Na magonjwa mengi wale ambao wana ukimwi pia kuna uponyaji. Et beaucoup d'autres maladies, pour ceux qui ont le sida, il y a guérison. Na Bwana anatuambia hivi. Et le Seigneur dit ceci. Nyakati hizi za bingu ambazo zimepunguka. Dans cette dispensation du ciel ouvert, atamimina roho wake. Ah, il va déverser son esprit. Na roho wake itatusaidia. Et son esprit va nous aider. Itafanya mahali ambapo ilikuwa jangwa. Que cette place qui était déserte, sasa igeuke. Se tourne. Iwe pale ambapo imemea vimea na mistuni pia. Pour être un verger et soit aussi une forêt. Na nasema humu humu kwenye mistuni na pale mwenye. Et à cette place où il y a une forêt et que les fruits croissent, kutakuwa na uhaki. Il y aura de la justice. Listen. Écoutez. He says, il dit. There will be justice in the desert. Il va y avoir de la justice dans le désert. That is reproving the land. Ça c'est réprouver le pays. Reproving and purifying the land. Réprouver et purifier le pays. But when the rain falls, mais quand la pluie vient, the outpour, le déversement, when it finally comes, quand finalement il vient, it will become a fertile field. Ça va devenir un verger. And righteousness will live there. Et la justice va vivre là. And peace will be there. Et la paix va être là. I thought that was amazing. J'ai pensé que c'était étonnant. The word is righteous. La parole est juste. Righteousness. La justice. It has never changed. N'a jamais changé. Especially now. Et spécialement maintenant. Now look at something else. Maintenant, regardez à quelque chose d'autre. That's same Isaiah 32. Dans le même Esaïe 32, he says, il dit, the fruit of righteousness will be peace. Le fruit de la justice sera la paix. The effect of righteousness will be quietness. And confidence forever. Le fruit de la justice sera le repos et la sécurité pour toujours. You will never panic again. Vous n'allez plus avoir peur. If you walk in this hour, si vous marchez dans cette heure, this hour of open heaven, cette heure des cieux ouverts, if you will walk in righteousness, si vous voulez marcher dans la justice, heaven's open, les cieux ouverts, you will have quietness. Vous aurez du repos. That to me is peace. Pour moi, c'est la paix. And it says confidence forever. Et il dit de la confiance pour toujours. That means you will know I am the elect of the Lord. Vous allez savoir, je suis l'élu de Dieu. And nothing can change that. Et rien ne peut changer cela. Except you yourself. Sauf vous. Vous-même. If you drift away from righteousness, si vous vous détournez de la justice, but now the dispensation is here, mais maintenant la dispensation est là, and the beauty of this hour, et la beauté de cette heure, is as they were enabled, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer, which means you will be enabled. Ce qui signifie vous allez être rendu capable. You don't have to fear again. Vous n'avez pas besoin de continuer d'avoir peur. Isaiah 44. Esaïe 44. Verses 3 to 5. Les versets 3 à 5. He says, il dit. Isaiah 44 verses 3 to 5. Esaïe 44, les versets 3 à 5. 3 à 5. The open heavens. Les cieux ouverts. For I will pour water on the thirsty land. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. And the streams on the dry ground. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. I will pour out my spirit on your offspring. Je répandrai mon esprit sur tes descendants. And my blessing on your descendants. Et ma bénédiction sur tes enfants. They will spring up like grass in the meadow. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Like poplar trees by flowing streams. Comme les saules près des courants d'eau. One will say, celui-ci dira, I belong to the Lord. Je suis à l'Éternel. Another will call himself by the name of Jacob. Un autre s'appellera lui-même par le nom de Jacob. Still another, et encore un autre, will write on his hand, écrira de sa main, the Lord's, à l'Éternel. And will take the name of Israel. Et prononcera avec amour le nom d'Israël. Precious people. Précieux peuple. In Ezekiel 47. Dans Ézéchiel 47. He talks about from verse 1 to 6. Il parle du verset 1 à 6 à propos. He talks about the different levels of the anointing of this hour. Il parle des différents niveaux de l'onction de cette heure. And the man led him into the water that was to the ankle. Et vous voyez que l'homme le conduit dans l'eau qui arrivait jusqu'aux chevilles, to the knee, jusqu'aux genoux, to the waist, jusqu'à la taille, until it was a river. Jusqu'à ce que ce soit une rivière. But you have to understand, mais vous devez comprendre that this hour, qu'à cette heure, this is when the Lord is looking for true worshippers. C'est quand le Seigneur regarde pour de vrais adorateurs. People that worship in the spirit and in the truth. Jean qui adore en esprit et en vérité. It reminds you of the Samaritan woman. Ça vous rappelle la femme samaritaine. That Jesus met at the well. Que Jésus a rencontré au puits. The woman from Samaria. La femme de Samarie. And the Lord was telling the woman. Et le Seigneur disait à la femme. That if you knew who was asking you for water. Et si tu savais qui est en train de te demander de l'eau. You would have asked him for living water. Tu lui aurais demandé de l'eau vive. The waters that gel from your heart outside and feed other dry grounds. L'eau qui jaillit de vos cœurs et qui nourrit d'autres champs secs. Listen. Écoutez. In Israel. En Israël. When they say living waters. Quand ils disent de l'eau vive. They mean water very deep under the earth. Ils pense à de l'eau très profonde, des monts sous la terre. Because in the underground water aquifers. Parce que dans les nappes phréatiques souterraines, the water has been filtered. L'eau a été filtrée. By the charged carbon surfaces. Filtrée par les surfaces chargées de charbon. And they catch bacteria, they catch the chemicals, they filter it clean. Ils prennent les bactéries, ils prennent le chimique et il les filtre et c'est propre. And that underground water is moving rapidly, it's flowing. Et cette eau souterraine se meut rapidement, c'est un flot. That's why, c'est pourquoi when you dig a borehole, quand vous creusez un puits, you dig and dig and dig. Creusez et creusez et creusez. And then you hit a hard rock. Et ensuite, vous frappez sur du roc dur. Protective rock. Un rocher protecteur. Called the water table. C'est le sommet de la nappe phréatique. If you break that one, pow! Si vous brisez cette roche, the living waters gush out. L'eau vive va jaillir. They gush out with life. Elles jaillissent avec de la vie. They are not dead waters. Elles ne sont pas des eaux mortes. They are not stagnant waters. Elles ne sont pas des eaux stagnantes. They have life. Elles ont la vie. Right now. Juste maintenant. There is a flow. Il y a un flot. Of the river of life. Une rivière de vie. From the throne of God. Du trône de Dieu. Through the church. À travers l'église. And right now. Et juste maintenant. There is life. Il y a de la vie. In the church. Dans l'église. This is the hour. C'est l'heure for you to live. C'est l'heure pour vous de vivre righteousness. La justice. Righteousness. La droiture. Precious people. Précieux peuple. I finish with this. Je finis avec ceci. Why did the Lord? Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait? Command the rider of the black horse. A commandé au cavalier du cheval noir. Not to touch the oil and the wine. De ne pas toucher l'huile et le vin. Listen to why. Écoutez pourquoi. Alléluia. Alléluia. That is the revival church. Ça c'est l'église du renouveau. Jesus in Matthew 25. Jésus dans Matthieu 25. Verses 1 to 13. Les versets 1 à 13. He says, il dit, the wise virgins, les vierges sages, their lamps were lit, leurs lampes étaient allumées, and it was being oiled, mais ça avait été rempli d'huile, it was being supported, enabled by oil, ça avait été rempli d'huile, ça avait été supporté par de l'huile, ça avait été rendu capable par de l'huile. The olive tree. L'olivier. The olive tree. L'olivier. If you drive from Haifa. Si vous conduisez de Haïfa. In Israel. À Israël. On Mount Carmel. Au Mont Carmel. And you drive down to the desert of the Negev. Et vous descendez au désert du Negev. You see the vegetation changes. Vous voyez la végétation changer. On Mount Carmel. Au Mont Carmel, where the Lord took me to stay, où le Seigneur m'a conduit de rester, it is green, c'est vert. Growing things, everything. Les choses croissent, toutes choses. But as you go down to Ashdod, Sidon, you're going down to the desert. Mais si vous descendez à Ashdod, Sidon, vous allez jusqu'au désert. Ayalon. Ayalon. Towards the Negev, the south. Vers le désert, au sud. Where the well of Abraham is. Où est le puits d'Abraham? In Beersheba. À Beersheba. Listen to this. Écoutez ceci. The vegetation changes. La végétation change. The places where nothing else can grow. La place où rien d'autre ne peut croître. Only the olive tree now becomes dominant. Seuls les oliviers maintenant deviennent dominants. Why? Pourquoi? Because the olive tree. Parce que l'olivier has the capability a la capacité of sending its roots very deep. D'envoyer ses racines très profondément. Very, very deep. Très, très profondément. And when the roots are very deep, et quand les racines sont très profondes, they can now tap the underground waters. Elles peuvent maintenant capter l'eau qui est très profonde. When the roots are deep, quand les racines sont profondes, they can now tap the waters that are not available to the surface. Bon, elles peuvent maintenant capter l'eau qui n'est pas disponible à la surface. Whether there is desiccation and drought, que ce soit de la dessiccation et de la sécheresse, it will still be healthy. Ça va toujours être sain. In the middle of drought, au milieu de la sécheresse, what is the message to you there? Quel est le message pour vous ici? The olive tree, the olive plant. L'olivier, la plante d'olivier. The olive fruit, the olive oil. Le fruit de l'olivier est l'huile d'olive. The symbol of the Holy Spirit. Le symbole du Saint-Esprit. That means in this dispensation of open heaven. Ça signifie que dans cette dispensation des cieux ouverts. The latter outflow of the Holy Spirit. De la dernière heure du Saint-Esprit that you see in Kenya here, que vous voyez ici au Kenya, it is meant to launch the church deep, est fait pour faire que l'Église soit profonde in the midst of desiccation. Au milieu de la sécheresse. There is a big drought world over. Il y a une grande sécheresse tout autour. The Lord has taken me, I travel every nation to bring this message. Le Seigneur m'a pris. J'ai voyagé dans toutes les nations pour apporter ce message. On the coming of the Messiah. Sur la venue du Messie. But listen to this. Mais écoutez ceci. If the Christian, if the church, si les chrétiens, si l'Église, if the pastor, si le pasteur, if the evangelist, si l'évangéliste will receive the Holy Spirit, accepte disciples veulent recevoir le Saint-Esprit, you will be unshaken. Vous serez inébranlable. You will have quietness and confidence. Vous allez avoir du repos et de la confiance. Because the Lord will feed you on very deep waters, living waters. Parce que le Seigneur va vous nourrir dans de très profondes eaux vivantes. Precious people. Précieux peuple. In your life. Dans vos vies. Have you received the Holy Spirit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? I have seen the coming of the Messiah. J'ai vu la venue du Messie. Are you ready for the coming of the Messiah? Êtes-vous prêt pour la venue du Messie? Are you ready for the coming of the Messiah? Êtes-vous prêt pour la venue du Messie?